Elixir, un groupe qui va vous faire de la poussière, mais pas de la guimauve. Bien cerné, ta vie s'est arrêtée.